بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمد مدين أبي أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واقتفى، أما بعد. Donc là directement on rentre dans le cours d'hier là, ce qu'on avait fait. Hier on avait quoi? On voulait voir les damières El Munfasil. On a pu voir Damir El Muntasil, là on va voir Ad-Damir El Munfasil. D'accord? Ad-Damir El Munfasil. Les damières? Ah non, c'est pas Muntasil, c'est Muntasil. Ad-Damir El Muntasil. T'as même les pronoms personnels attachés. Parmi ces damières, il y a quoi? Elia. تمام ده مثلا اسمي تمام اسمي مونو تمام لو يا سي كوا tu t'appelles يا المتكلم c'est à dire que celui qui va être utilisé يعني pour le locuteur تمام c'est à dire que la fonction du ya même s'il y a plusieurs ya toi qu'est-ce que lorsque tu utilises cela يعني tu veux apporter que la personne est en train de parler ou bien parler à son nom tu vois اسمي مونو تمام مثلا tu vas dire je sais pas moi القاضي تمام لو جوج تمام القاضي صافي هناك هيا تمام اسكو tu veux dire par là al qadi يعني mon qadi le tien non tu dis al qadi le juge تمام يعني lorsque tu le ramènes c'est pourquoi affirmer quoi tu es en train de parler locution تمام tu es en train de parler toi tu affirmes une chose à toi ismi mon nom moi تمام donc ça s'appelle Et ça, c'est Elia. Il y a Al-Mutakallim. C'est par rapport à la terminaison, c'est ça? Quelle terminaison? Du mot, non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il a dit qu'il y a plusieurs sortes de ya. Je dis c'est pas tous les ya. Je dis le ya qui apporte le sens de quoi? Mutakallim. J'ai pris. Mutakallim, c'est-à-dire celui qui parle. J'ai pris le Al-Qadi. Le Qadi, se finit par un ya. Tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai ramené ça. C'est pas tout ce qui se finit par un ya que c'est un damar mutasil. Parce qu'il y a des mots qui se finissent par un ya. T'as compris ou pas? C'est pas tout mot qui se finit par un ya qui est forcément un pronom personnel qui est attaché. Parce que le pronom personnel, c'est celui qui apporte la force, le sens, il y en a que tu es en train de parler. Ah, c'est pas comme en français. Là, quand tu dis El Qadi, tu n'es pas en train de dire mon juge. Ouais. Tu dis le juge. Ouais. Ça n'a rien à voir, t'as même. Ah. Ouais. C'est pas tout ya. Là, quand tu dis Naam, Ismi, voilà. C'est-à-dire que ce ya là, qu'on est en train de parler, c'est celui quand tu veux apporter le sens de la locution. Toi, tu es en train de parler. Donc, comme ça. Donc, il y en a plusieurs, t'as même. Il y a l'ya, le premier que j'ai commencé. Donc, Damar El Muntasila, c'est le pronom personnel attaché, t'as même. Parmi eux, l'ya. Dans le mot, مثلاً, ismi, comme on a vu dans le texte, il s'appelle comment? Ya ul mutakallimi. El Beiti, là. Non, tu dis pas El Beiti. On va voir. Parce que le fait que tu dises c'est un damir, il y a des mots tassil, tamam? C'est un damir. Et damir, il est quoi? Il est ma'rifa. Tamam? Il est ma'rifa. C'est-à-dire, une chose qui est ma'rifa, tu ne vas pas rajouter encore elle pour le définir. Il suffit que tu dises maintenant Beiti, Beiti pour dire ma maison. Quand tu dis en français, tu dis pas le ma maison. Qu'est-ce qu'il y a en arabe? Tu dis pas el beiti pour dire ta maison. El beiti, tu dis pas ça. Comme en français, tu dis pas le ma maison. C'est la même chose, c'est même. À partir du moment que tu as rentré le prénom d'Amer Montassil, khalas, il est ma'arifa. Il n'y a pas besoin que tu rajoutes encore. C'est pas quand on El Qadi. T'es sûr, parce qu'il déjà comprend le sens. C'est pour ça que j'avais dit, l'arabe, il repose sur quoi la compréhension? Quand tu dis Al-Qadi, c'est quoi que vous voulez? Le juge. Donc il n'y a pas de notion de Damir. Tamam. Après, il y a quoi? Il y a le Kaf. Kazalika. Tamam. Al-Kaf. Maintenant, tu vas dire Ismuka. Tamam. Non, Ismuka. Ton nom. Tamam. Il s'appelle comment? Kaf al-Khitab. Ma'ruf. Ah. Celui qui est utilisé pour quoi là? Pour le discours. Tamam. Kazalika, il fait partie des damer al-Muttasila. Le Kaf. Ismuka. Tamam. Parmi les damer. Pour dire, ouais, ton. Ouais. Ton. Ton. Quand il rentre dans un nom, c'est pour dire ton. Tu dis pas tu, ton, tu nom. Tu nom. Non, ton nom. C'est pour la possession, t'as même. Ton nom. C'est quoi ton nom, t'as même. Quand il rentre dans un barflofi comme dans un ism, t'as même. Parce qu'on va le voir aussi, ça peut rentrer dans les verbes et tout ça, tu vois. Mais là, on reste dans les ism. Lorsqu'il rentre, il va rentrer dans un ism, c'est pour affirmer quoi? La possession. Ismi, mon nom. Ismuka, ton nom, t'as même. Quand il est muttasil. Quand il est muttasil. Quand il est munfasil, tamam, ana abdullah, je suis. Tamam. Quand il est muttasil, il va porter. Chauffe, ça c'est une faïda la basse. Lorsqu'il est le damer est muttasil, il est muttasil à un nom, il rentre dans un nom, tamam. Il va porter le sens de quoi? La possession. Tamam. Si vous voulez écrire, taïb, écrivez-le, tu vois. Écrivez-le si vous voulez, tu vois. S'il rentre dans un nom, tamam. S'il rentre. Le damer muttasil, lorsqu'il rentre dans un nom, c'est pour affirmer la possession. Écrivez-le, la basse. Comme tu as dit, un éclaircissement. Le kaf al-khitab, tu peux le varier, c'est-à-dire, le même kaf, tu peux utiliser pour la femme et l'homme. Lakin, si c'est pour un homme, c'est ka, si c'est pour une femme, c'est ki. Masmou ki. Quel est ton nom, en parlant d'une femme. Et l'homme, masmou ka. Maintenant, tu vas dire, ismouhou. Al-ha. Comme par exemple dans ismuhu. Et ça, il s'amache. Damir al-ghaib. Celui-là, elle a ismuhu. Tamam. Donc, damir al-ghaib, lil mufradi al-mudakkar. Pour le singulier, masculin. Kitabuhu. Tirage de hu à la fin. Eh ouais, ça, c'est pas à chaque fois. Jamais tu veux exprimer pour une chose, pour une personne. Tamam. C'est pas toi. Et c'est ni quelqu'un qui est en train de faire le discours. T'as même, je veux dire ce qalam là, tu me dis il a qui? Je dis hada qalamuhu. C'est son stylo à lui. T'as même? Donc ça là, c'est un damir al-ghaib. C'est-à-dire al-ghaib, c'est celui qui n'est pas présent. Ou bien qui est présent mais que tu parles en son nom. Il avait dit ça hatta Ibn Kathir. On l'a vu dans le tafsir. Et tu peux utiliser aussi kana al-ka'ish. Donc là, c'est la même chose. Le ha, pour dire quoi pour la femme? Mais tu ne diras pas ismuhu pour une femme, tu diras maintenant ismuha, kala wa kala. Donc là c'est la même chose. Damirun, l'ra'ib, lil mufarada. Tamam. Ça c'est par rapport au pronom qui est muttasil. Tamam. Ad-damir al-muttasil, hada huwa. Fahimtum? Ad-damir al-muttasil, c'est le pronom attaché. Iza dakhala ala al-asma, yufid al-tamlik. Lorsqu'il rentre dans l'asma, il apporte la forme de la possession. Et là, on va en voir, il y en a quatre, il y en a qui sont utilisés, ou plutôt cinq qui sont utilisés pour singulier. Lorsque c'est al-mutakallim, c'est-à-dire le locuteur, tu vas utiliser pour singulier, el-ya, ismi. Il s'appelle ya al-mutakallim, ya ou al-mutakallim. Le ya qui est utilisé pour la locution, c'est ça? Ensuite, le kaf, tamam? Ismuka, si tu veux parler à un homme. Si tu parles à une femme, ismuki. Kaf al-khitab, il y en a pour le discours. T'as le kaf, ismuka pour l'homme, ismuki pour la femme. Pour qui? Pour deux. Pour la femme, tu dis ismuka. Ah, elle a, yani ismuhu, tamam. Yani tu veux utiliser pourquoi? Pour mufrad, tamam. Pour mufrad et mudakkar. Tout c'est mufrad. Tu diras ismuhu, tamam. Pour dire son nom. Et pour la femme, ismuha. Tu rajoutes le alif barda. Tamam. Après, ouais, tu t'arrêtes. Maintenant, le kaf, tu dis ismuk, mesmuk. Tu dis pas mesmuka. Parce que les Arabes, c'est connu, ça, c'est une règle, elle est générale. Il ne prononce jamais la dernière harakat par laquelle se finit le mot. La phrase, il s'arrête sur une sakina. Quand il s'arrête, les Arabes, lorsqu'ils veulent s'arrêter, ils s'arrêtent sur une sakina. Allahu, Allah. Allahu Akbar. Il ne dit pas Allahu Akbar. Ça, c'est une qaida générale. Tamam. C'est pas clair? Si? Khalas. Après, qu'est-ce qu'il avait ramené? Tamam. On va rester sur ce chose-là. Tamam. Avec le lam et tamlik. Tamam. Lam et tamlik. Maintenant, une personne a posé une question. Tamam. Alaka akhun. Laka. C'est un exemple. Alaka akhun. Tamam. Là, il va te poser une question. Est-ce que tu as un frère? J'ai dit qui? Il écrit Adjoun. Alaka akhun. As-tu un frère? Tamam. Là, il a rentré lam et tamlik. Tamam. Qui lui a même. Il apporte le sens de quoi? Possession. Lam et tamlik, la harf al-jar. Tamam. Ce lam-là, kadalika, tu peux l'utiliser. Tamam. Pour, comment ça s'appelle? Pour l'allocution, pour le discours ou pour yani, apporter une chose qui est en possession d'une personne qui n'est pas présente ou tu parles en sa personne. Tamam. Donc là aussi, ça rentre dans un harf. Ça rentre dans un harf. Tamam. Et ça apporte le fait de la possession. Pourquoi? Parce que Aslan li, tamam, li, le sens qui est, son sens propre, c'est la possession. Tamam. C'est-à-dire que maintenant, lorsque tu vas dire j'ai un frère. En gros, la ka, il y a un qasim et la qismi. Là. Lam, wa kaf. Lam, tablik, wa kaf. Khitab. C'est pas Yann Qasim. Tu dis Yatekaouan. Il est composé. Il n'est pas divisé. C'est pareil. Laka, si tu veux affirmer la position, il y a pour une chose. Avec les pronoms qu'on a vus, tout simplement, comme on a pu voir, tu diras Li. À la base, c'est quoi? Li. Li, si jamais tu veux le rajouter au lien pour dire j'ai en ma possession un frère ou bien j'ai un frère, tu vas rajouter le lien. Li Akhun. Comment? Tu veux parler pour quelqu'un? Tu vas dire quoi? Tu diras pas Lika. Parce que c'est Khafif. Les Arabes, ils ont vu que là, lorsqu'ils rentrent dans un kaf, ils disent pas Lika. Ils disent Yanni, ma rikatu fil lafd. Yanni, c'est pas où entendre, comment? Laka. C'est quoi le plus propre? Lika ou Laka? Laka. Tamam? Tamam? Pour ça, c'est pour. Le masculin. Laka akhun, as-tu un frère? Tamam. Pour une femme, tamam, ou du sexe féminin, tu diras la même chose. Laki. Laki akhun, tamam. Pour lui, pareil, tu diras pas lihu. Ça se dit pas, c'est lourd. Lihu, lihu. Tamam. Tu diras lahu. Tamam, lahu akhun, il a un frère. Si c'est une femme, laha. Tout ça c'est pour affirmer la possession avec le lam et tamlik. C'est-à-dire que le lam et tamlik il accepte kadalika, c'est damer là. C'est-à-dire que ça peut rentrer dans un asm, comment ça s'appelle, damer muttasil, il peut rentrer dans un ism, il peut rentrer aussi kadalika dans le harf. On va voir kadalika avec le ba, bi, bika, bi ilakhiri, kathir, fika, barklo, fika. Ça peut rentrer dans les harf. Ah, t'as mené. L'ech, l'artisas. Tu poses pas la question à un. C'est là. Et là, maintenant, tu dis, le masjid, là où baboun kabir. Là où baboun kabir. Alors, Hassab, yani, le lam, sa, comment s'appelle, sa définition, ou ce qu'il apporte comme sens, il est propre à lui. C'est-à-dire, il reste, il est comme il est, comme on a pu le voir. Si jamais c'est pour les choses que tu peux, comment s'appelle, caractériser de possession, qui possède, ce sera le marna, la possession. Si jamais c'est pas le cas, ce sera l'artisas. Tu dis هذا المسجد له باب كبير. C'est pas il possède. T'as tu as spécifié. Ça c'est le sens qui est propre à lui, ça change rien du tout que tu rentres le cas ou pas. T'as après, il a ramené kazalika. Donc ça c'est la même chose, c'est simple. Toi tu prends juste le kef là, il rentre dans les choses, t'as et c'est pour apporter juste là, au niveau du discours. Est-ce que c'est toi qui parles? Est-ce que tu es en train de faire un discours ou est-ce que tu es en train de parler pour quelqu'un qui n'est pas présent? Bas. Ensuite, tu peux le rentrer dans n'importe quel truc. Minka, fika, aleika. Tu peux rentrer dans plein de choses. Et en fonction du sens, du mot ou bien du harf dans lequel tu vas le rentrer, la tournure de phrase, Allah Azzam. Tekallam tu ma'ak. J'ai parlé avec toi. Ani ma'a bi ma'naish. Avec. Pour affirmer la musahaba. Mashaytu ma'ak. Mashaytu ma'ahu. Mashaytu Maraki, Machaito, Maraka. T'as le sens c'est quoi Mara? Avec. Ensuite tu rentres le kaf pour dire avec lui ou avec moi ou l'akhri. C'est simple. Donc la même chose avec quoi? Indak. T'as donc Inda c'est la même chose. Walakin, Wallahu alam, moi ce que j'ai remarqué, hein, c'est que Inda, il est plus utilisé pour les choses qui sont quoi? Les objets ou les choses comme ça, tu vois. Maintenant, tu veux dire j'ai un frère, tu dis pas Indi Akh. Lia Akh. Femtom? J'ai remarqué avec Inda, il l'utilise pour les objets. Les objets. Ah, mais tu dis pas Indi Akh. Inda ka Akh? Là, elle a ka Akh. Wallahu alam. Ce que j'ai pu remarquer. T'as donc c'est la même chose. Indi. Indi 20 dinar. T'as j'ai 20 dinars. Indi. T'as عندك تمام عندك لا مشوز عنده عندها تمام سي ميم شوز دونك عندا سي pour apporter le sens de la proximité d'une chose تمام voilà après tu rentres le damir est-ce que يعني فلان عندك est-ce qu'il est auprès de toi تمام او هو عندي أين فلان هو عندي وعنده وعندك تمام il est où la personne tu dis il est auprès de moi il est auprès de lui il est auprès d'elle il est auprès de toi تمام il est auprès de toi par le féminin عندك la même chose تمام dans ça on ramène beaucoup d'exemples comme ça pour que vous compreniez parmi un des points qu'il a ramené تمام مثلا dans le truc il a dit alaka akh il a pas dit عندك akh تمام عندك أخ ما قال عندك قال ألك أخ يا محمد تمام لا بدي عندك أخ والله علم ألك يعني c'est plus pour يعني pour les objets quand tu veux affirmer la possession pour عند أو لك parce que les deux tu vas me dire ça apporte la possession c'est à dire est-ce qu'on peut varier on fait ce qu'on veut et de temps en temps tu peux dire عندك أخ ou عندك كذا لا donc لك c'est plus pour les choses les gens والله علم tu vois lorsque عند pour les objets alors parce que tu regardes il dit ألك أخ لي أخون ما قال عندي أخون parce que quand tu dis عندي أخون c'est dans le sens où il est auprès de toi t'as c'est pas dans le sens يعني qu'il y a des liens parentés tu vois il est auprès de toi t'as pas affirmé le lien de parenté là لي أخون là tu dis il est عندي t'as لك يعني c'est mon frère t'as لي أخ est-ce que t'as un frère نعم j'ai un frère on a des liens parentés entre lui et moi tu vois نعم أما tu dis il dit لك أخون tu dis هو عندي là c'est comme si tu avais dit نعم لي أخون وهو عندي t'as si la personne dit ألك أخون as-tu un frère t'as ألك أخون est-ce que t'as un frère t'as est-ce que y a vous avez t'as quelqu'un avec qui t'as un lien de parenté et c'est un frère t'as ألك أخون et toi tu dis عندي t'as اش معنى ذلك c'est نعم وهو لي j'ai un frère وهو عندي parce qu'on comprend pas Yanni lorsque tu je te demande est-ce que t'as un frère et toi tu me dis il est auprès de moi ça c'est ce que ça veut dire ça ألك أخون تكون نعم عندي اش يعني هو عندي il est auprès de moi نعم لي أخون فهمتم ensuite à savoir qu'il y a certains mots تمام et ça s'appelle les أسماء ستة ouais. T'as certains mots que lorsque tu vas vouloir rentrer chez la mère de Muttasil, tu seras obligé de lui rajouter un harf. Mathalan, on prend le cas de H, Akhun, Wesh, Ab. Akhun, Wab, les deux font partie d'Asma Sitta. Asma Sitta, yani, c'est des noms qui sont au nombre de 6. Pourquoi ils ont appelé comme ça? Parce qu'ils ont la particularité, lorsque tu veux rajouter un damir, qu'ils prennent un waw. On verra bien, ils prennent yani, un harf en plus. T'as مثلاً أش أخ et أبون تمام si jamais tu veux dire c'est mon frère ou bien c'est ton frère c'est son frère تمام tu pourras pas dire directement تمام أخوك أخوك tu dis pas أخوك comme on a fait مثلاً bon dans بيت tu veux dire بيتك tu prends بيت et tu rajoutes le كاف تمام là il va dire la personne peut dire bah, c'est la même chose ici tu prends أخ et tu rajoutes le كاف pour dire ton frère لكن لا تجي با اخوك تجي اخوك pourquoi comme on va voir yani tu as des mots qui sont au nombre de 6 que lorsque tu vas vouloir rentrer damir al-muttasil prenez comme ça yani comme règle tamam lorsque tu vas rentrer damir al-muttasil tu vas être obligé de lui rajouter un harf tamam et ce harf là on va voir yani ils sont de 3 لكن lorsque le mot il est marfou c'est-à-dire lorsqu'il est marfou, qu'il n'y a rien qui va changer sa déclinaison en mansou, pas en mansou, vous allez voir plus tard, en majrour, tu es obligé de mettre le waouh. Le waouh, comme on va le voir là, on avait dit, on a pu voir, on a fait une petite allusion par rapport à ça, on avait dit que la kassara, pour le majrour, la kassara et la kassaratine, il y a des choses qui peuvent le remplacer. Kazalik, là, là. Kazalika, el marfou, tamam. Le marfou, c'est le asl. Comme tu le reconnais, c'est avec une damma, ou bien dammatein, ou bien, comme on va le voir, une chose qui remplace la damma ou dammatein. C'est-à-dire lorsque ce n'est pas possible. Tamam, là, comme ici, là, les Arabes, ils n'ont jamais dit akhouka. Akhouka comme ça. Akhouka comme ça. Jamais de la vie. Lorsqu'ils veulent dire, il est ton frère, ils rajoutent le kaf, ils rajoutent un waou. Tamam. Akhouka. Pareil pour là. Abouka. Tamam. Abouka. Ils disent pas Akhokaliyash. Parce que ce nom-là, ils font partie quoi? Yani, Minal Asma. Tamam. Minal Asma Sitta. Ils font partie de la catégorie des sinons. Des sinons qui, lorsque tu vas rajouter un Marklofi comme un Damar Muttasil, il va être obligé de quoi? De prendre un Ahab. Tamam. Regardez. Là, comme on a dit, c'est Asma-là, là, parmi eux, Ab ou Akh. Tamam, il y en a deux. Alhamdulillah. Tamam, on en avait deux. Donc, cela, là, lorsque tu veux rentrer Damir al-Muttasil, tu es obligé de faire rentrer El-Waw si jamais il est marfoua. Tamam. Lorsque tu vas faire la ligne grammaticale de cette phrase-là, je vais te dire, mathalan, Akhouka Moujoud. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi, Akhouka Moujoud? Ton frère est présent. Si je te demande comment s'appellent les arabes de cette phrase-là, qui sont les arabes, toi ou n'importe qui, Akhouka Moujoud. C'est simple, hein? C'est la même chose. Va pas te zaza parce que tu as vu le waouh. C'est quoi Akhouka, c'est quoi Moujoud? Akhouka, déjà commence par le premier. Pourquoi tu parles de deuxième? Le A, c'est Akhouka, Akhouka. Ouais, mais moi je voulais te dire que c'est une question. C'est pas une question. Akhouka, c'est une question si je te dis Akhouk. La ilaha illallah. Moubtada khabar. Malakoum. Akhouk, Moujoud, ton frère, il est présent. T'as dit depuis le début, moi j'étais loin, frère. Je vous dis, vous êtes parti trop loin. Vous avez zaza parce que j'ai rajouté juste un waouh. Mais regarde, t'as marqué ism sitta. Ah, ism sitta, ouais. Oui, c'est un ism. Houa, c'est un damir. Houa, Moujoud. Quand je te disais. Quand je vous disais huwa moujoud ou huwa kada, tu m'as pas dit damir kada kama, tu m'as dit mubtada khabar. La même chose, mubtada khabar. Si je te dis c'est quoi comme genre de mubtada, tu vas me dire naham, c'est asma sitta, tamam. Tamam. Donc vous avez za'za. Ça veut dire que ça, il n'y a pas le yaqin dans les trucs encore. Parce que sahib al yaqin, il fonce. Tamam. Akhouk moujoud, mubtada wa khabar. Tamam. El mubtada, parmi ces règles, on avait dit quoi? Il est toujours c'est un ism, de façon. La chaque. C'est un mubtada. C'est un marfou. Tamam. Maintenant, je vais te dire, c'est quoi le dalil qui est marfou? C'est le waw. Regardez, on va faire un truc beaucoup plus précis. C'est que si tu veux vraiment analyser, tamam, la phrase, tu vas dire Akhou ka moujoud, tamam. Akhou ka mubtada. Wa moujoud khabar. وأخو مضاف والكاف مضاف إليه تمام le كاف là نسيت هذا le كاف lorsqu'il rentre dans un nom تمام il sera مضاف إليه est-ce qu'il y a avant مضاف اسمي مضاف مضاف إليه Daïman. S'il rentre dans un ism, le damir, il sera mudaf ou ilay, et ce qui est avant lui, il sera mudaf. Tamam. C'est-à-dire que là, mathalan, là, si je te demande, comme le mubtada, on sait qu'il est, il est toujours marfou. Ou le mudaf ou ilay, il est toujours. Là, le kef, là. Un autre truc, ça, c'est à chaque chose. Là. Le kef, là. On a dit, akhou, c'est mubtada. Ou le mubtada, il est toujours quoi? Marfou. Ou le mudaf ilayh, il est toujours majrour. Tamam, il est toujours majrour. Al-an akhouka. Akhouka. Tamam, il est marfou. Akhou comprend ça avant. Akhouka. Akhou il est marfou. Hein? S'il est marfou, c'est obligé qu'il y ait un dalil qui montre qu'il est marfou. Et c'est quoi là? Ici c'est le waw. Ça c'est mudaf. Et là il est mudafilé. C'est-à-dire que cette kalima là, là, elle est marfou. C'est quoi le dalil qui montre qu'il est marfou? C'est le waw. Damma ou dammatain, ou la chose qui va remplacer damma ou dammatain. Le waw. Tamam. Parmi les choses, le waw. Tamam. Lorsque c'est quoi? Dans la Asma Sitta. Asma Sitta, lorsque tu veux rentrer. Maintenant, si jamais je ne veux pas le rentrer, à Damir, je ne le rentre pas, tu vois. Ce n'est pas forcé que tu rentres à chaque fois à Damir. Maintenant, je veux dire, Alaka Ahun. Tamam. Alaka Ahun. Tu veux me dire quoi? Naam. Lia. Ahun, j'ai un frère. Ça va? Il n'y a pas de problème. Mais si jamais tu veux lui rendre un damer motassil, c'est une autre chose. Ça va? Hada Ahuka. C'est ton frère. Tu veux mettre une opposition, une annexion entre les deux. C'est ton frère. Ça va? Ben là, tu seras obligé de rentrer. Pourquoi? Parce que c'est un cas d'exception. Ça va? Pourquoi? Hakada, les Arabes, ils ont prononcé Ahuka. Ils n'ont jamais prononcé Ahuka sans gros. Ça va? Et ils ont dit, ce waouh là, là, il vient remplacer parce que la dhamma. Tamam. Tamam. Chauf, l'an, akh et ab. Tamam, c'est le même cas pour les deux. Tamam. Akhun ou abun. Les deux, c'est la même chose. Tamam. Les deux, lorsque tu veux mettre un damir mutassil, t'es obligé. Si jamais il est marfour, j'ai bien dit marfour. Hein. Si jamais il est marfour, t'es obligé de mettre fresh le waouh. Si jamais tu veux entrer, damir mutassil. Tamam. Maintenant, je veux dire mon père et mon frère. Comment je dirais? C'est quoi le truc? À la base, c'est ach. Tamam? Là, il y a du surf. On va écouter, on va faire un peu de surf. Achou. Ya. Achouya. Achouya. Lakin, eux, tu vois, ils ont dit c'est pas possible. Le waou et le ya, maïstamiran. Ils disent c'est pas possible. Ils disent, entre, ils disent un mot dans le sarf, ils disent Adouwatein, c'est deux ennemis, ils ne se rencontrent pas. S'il y en a un qui se rencontre, qui rencontre l'autre, l'autre va prendre le dessus sur l'autre. Ahouya. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le waou, seconde étape. Ahouya. Ils ont dit, le ya là, parce que celui-là, il a, c'est marrant, tous les huruf med, c'est-à-dire ceux qui vont prolonger, c'est marrant, c'est comme ils avaient une seconde dessus. C'est marrant ça. Ils ne le mettent plus parce que c'est une chose qui est connue. Tous les huruf mad, ils ont tous le alif, le ya et le waw, ils ont tous une soukoun. Ils ont dit quoi? Le ya, il ne vient pas pour prolonger une dhamma. Ça n'existe pas. Le ya, cette ya là, elle a pris le dessus sur le waw. Elle a transformé en ya. Il dit cette ya là, c'est connu, c'est un med. Cette ya là, c'est Ahmed. Ils disent le ya, il vient jamais pour prolonger quoi? La dhamma. Ils ont dit donc on est obligé, pour que ce soit en accord, tamam, de remplacer aussi cette dhamma là par une kasra. Tamam? Donc ils l'ont remplacé. Chouf, ils l'ont remplacé. Parce qu'ils ont dit, c'est pas convenable. S'il y a une ya, la kasra, la voie qui doit être avant, c'est une kasra, c'est pas une dhamma. Donc on est obligé, kada les cas, de venir changer cette dhamma et la mettre en kasra. Ça fait quoi? Akhiya. Ils ont dit Akhi. Hada Akhi. Vous avez compris? C'est la même chose pour Abi. C'est la même chose pour Abi. La même chose. Tamam. Donc là, si jamais maintenant je vais te dire, celui qui répond, c'est un bon. Si je te dis Akhi Moujoud. C'est quoi le grammatical? De manière générale. Andek. Mudaf, mudafile. C'est quoi le mudaf? Vas-y, mudafile. Ah, c'est le mudaf. Hein? Et le ya, c'est le mudafile. Et voilà. Et ça, c'est le khabar. T'as, donc, s'il y a un khabar, il y a forcément. Et le Mubtada, Izan? Le Mubtada, c'est le mot complet. Hein. C'est le mot complet, c'est Akhi. C'est qui le composé d'un Mubtada? C'est tout, parce que la formation, elle tourne au cours de quoi? Je dis, c'est Ah, la formation tourne autour de qui? De Akhi, qui est présent. Mon frère, c'est-à-dire tout cet ensemble. Et comme tu as dit, Akh il est mudaf et l'autre il est mudaf ilayh. Tamam. Donc Akh il est mudaf, il est mubtada. Akhi, mubtada. S'il est mubtada, c'est qu'il est forcément ish. Lakin, c'est qu'il est forcément. Il est forcément marfou. Tamam. Je te demande, parce que les Arabes ils marchent comme ça. Tu dis marfou, c'est quoi ta preuve? C'est quoi ta preuve? C'est quoi la halama? C'est quoi la halama qui est marfou là? C'est pas possible. C'est pas lié. Là, ils disent quoi? Tu sais? Là. Ça fait partie, Kazalika, comme on avait dit, de l'i'rab qui est quoi? Qui est sous-entendu. Et l'i'rab est taqdiri. Là, c'est le deuxième truc. J'avais dit, il y en avait plusieurs. Si jamais tu vois un mot qui se finit par quoi? Alif maqsoura. Tamam? Mustashfa, Moussa, Isa, Al-Fata. Kulo hadil ashia. Tamam? C'est qu'il est quoi? Il est mu'arab, lakin sous-entendu. Ni tu le prononces et ni tu le vois. Lakin, c'est quoi le dalil qui nous a montré qu'il est sous-entendu? L'alif maqsoura. Tamam? Il n'est pas mabni. Il est sous-entendu. On a vu ça. Tamam? Alif maqsoura. Maintenant, dans le mustashfa, là, comme on a vu. Tamam? Si je te dis, est-ce que je te dis fil mustashfa, ala al mustashfa, ça bouge pas, akhi. Donc tu vas me dire, il est mabni. On a dit le mabni, c'est celui qui est comme l'édifice, il bouge jamais. Mais là, lakin, là, c'est pas mabni. Pourquoi? Parce que on a un dalil, c'est l'alif maqsoura. L'alif maqsoura, elle empêche. Mu'arab, lakin taqdiri. Elle empêche que la terminaison, elle se finisse. Elle empêche. Comment tu vas dire? Tu vas dire là, maintenant, si tu fais l'alif grammatical dans le mustashfa, tu vas dire al-mustashfa, maintenant, maftouh. Al-mustashfa, maftouh. Tu vas dire al-mustashfa, mubtada. Donc, il est marfouh. Tamam? Sah? C'est quoi ça, l'alamat de raf? Tu vas dire, c'est la dhamma qui est sous-entendue sur le fa, tamam? Qui a été empêchée de pouvoir être prononcée et apparente. Par quoi? Par le alif, maqsoura. En arabe, tu diras mustashfa, مرفوع وعلامة رفعه الضمة ال رفعه رفعه لا لا ضم لا علامة كي مونت كلي مرفوع تمام الضمة المقدرة لا ضمة كي سوز انتندو منع من ظهورها كي امبيشي كيس كي امبيشي كاسوا ابارونت الالف مقصورة on revient dans بيتي مثلا بيتي اخي et tout ça تمام pareil si je te dis اخي là pareil celui-là il est quoi il est معرب تمام اخي موجود. Est-ce que tu vas dire مثلاً مررت ou رأيت رأيت أخي تمام مررت بي أخي تمام. Tout ça c'est des choses qui normalement si jamais il rentre dans un mot et qui est mu'arab il va changer sa terminaison تمام رأيت vous allez voir plutôt رأيت tu diras vous allez voir plutôt محمدا parce que رأيت il va rendre la fin de Muhammad oui. Akada. Tamam? Marantu bi Muhammadin. Tamam? Le bi, il va changer le truc. Là, c'est la même chose. Le bi, il est rentré, le ra'itu, il est rentré à l'akhi, il n'a jamais changé. La personne va dire, mais akhi, ça veut dire qu'il est, il est mabni. Parce que ça, là, c'est la fonction de changer. Chauve. Parce que tu dis ra'itu Muhammadin. Tamam? El harfu jar et tout ça. Tamam? Lakin, là, on voit, on peut constater que ça ne change jamais. Ra'itu akhi. Marantu bi akhi. هذا أخي تمام هذا أخي le truc là pourquoi يعني la elle change pas là c'est l'ia تمام comme la alif maqsoura تمام elle empêche de voir كذلك le truc la كذلك c'est la même chose ici dans أخي ah ouais تمام elle empêche de voir l'ia a la même fonction le, c'est pas la même fonction mais elle empêche de pouvoir يعني faire apparaître la halamètre la halama de raf, yani quel comment s'appelle la dhamma. Lakin là, la raison a changé. Ici on avait dit pourquoi? Parce que c'est impossible. Tu vois, si jamais il y a alif maqsoura, tu peux, elle peut pas apparaître la dhamma. Pourquoi? Hakaza. Tamam? Le ya c'est une autre chose. Pourquoi? Elle peut pas apparaître parce que le ya ils disent la yunasib illa al-kasra. Le ya yani la voyelle qui correspond à être avant elle, c'est la kasra. Il dit c'est pour ça que la dhamma elle n'est pas apparente. Parce que si jamais il y a un ya, même tu ne peux pas mettre une dhamma. Parce que le med du ya là, il faut qu'avant lui il y ait une kasra. Donc forcément, on ne peut mettre qu'une kasra. C'est pour ça qu'ils ont dit, lorsque tu vas faire مثلا l'arabe, tu vas dire مثلا هذا اخي, تمام؟ تمام؟ Tu vas dire اخي ou bien اخي موجود, تمام؟ Tu vas dire اخي مبتدا. Donc le مبتدا est marfou. Donc son signe qu'il est marfou, c'est objet que c'est une damma, une chose qui a remplacé, تمام؟ Là tu vas dire c'est la halamat qui est marfou, c'est la damma qui est sous-entendue. تمام؟ منع من ظهورها, la chose qui l'a empêché qu'elle soit apparente, c'est le ya, l'il munasaba. Pourquoi? Parce que le ya, il ne peut que prendre avant lui une kasara. C'est un film. Fahimtum? Toi, tu prends juste ça, chauffe Farid. Toi, dans ta tête, dès que tu vois Akhi et Abi pour l'instant. T'as Akhi, Akhi ou Abi, ils sont 6. T'as lorsque tu vois Akhi ou Abi, t'as et qu'il est mubtada, t'as qu'il est mubtada, lorsque tu vas faire l'i'rab, tu veux dire il est marfou'. Et le signe qui prouve qu'il est marfou', il est sous-entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'IA qui est venu et l'IA, il empêche que le wab, il est obligé de mettre une kasra pour que ce soit cohérent. Parce que le IA, le med, tu vois, le IA là, il peut que faire prolonger la kasra. Il ne prolonge pas une fatha. Il ne prolonge pas une kasra, une kasra, une fatha. Une fatha, une damma. Fahim Tom? Akid? Vas-y, on va tester votre compréhension. Hada. Akhi, qui c'est qui se lance? Hada Akhi. Je veux déjà le tac-tac. Mubtada khabar. C'est quoi le mubtada? C'est quoi le khabar? Hada, c'est le mubtada. Akhi. Et Akhi, c'est le khabar. Vous êtes tous d'accord? Il a dit Hada, c'est le mubtada. Et Akhi, c'est le khabar. C'est quoi? C'est simple. Hein? Vous cassez même pas la tête. Non, c'est même pas ça. Est-ce que c'est un mubtada ou pas? C'est simple. Si la phrase commence et que c'est pas un verbe, ça peut être qu'un mubtada. Direct. Casse-toi pas la tête. Hada, c'est un fi'al. Hada, c'est un fi'al. Hada, est-ce que c'est un fi'al? C'est pas un fi'al, ça peut être qu'un mubtada. Déjà directement. Déjà, tu peux dire, on va dire comme ça, là, tu peux être sûr déjà que tu es dans une phrase nominale. Donc, qui dit phrase nominale dit mubtada wa khabar. Après, c'est à toi de le chercher. Est-ce que le mubtada est l'avant et l'après? Cherche-le. Mais déjà, dès que tu vois la phrase, ça commence, et que c'est pas un verbe, déjà tu te dis, déjà je suis dans une phrase nominale, il y a un mubtada et un khabar. Le khabar c'est akhi. Le khabar c'est akhi. Donc, hada c'est quoi? T'es sûr? Ouais. Akid? Ahlef? Donc, si jamais c'est le mubtada. Akhi c'est un mudaf mudaf ilayh. Akhi c'est mudaf mudaf ilayh. T'es même? Hada akhi. Le khabar. Il est quoi? Marfou'. Parmi les règles qu'on a pu voir. Le khabar est marfou'. Hada mabni. Hada mabni. Qui est d'accord avec lui? Mais que sur Hada. Akhi, il est marfou'. Ce mot, c'est un khabar. Sah? Donc il est marfou'. Sah? Mohammed Rasoulullah. Marfou'. Sah? Donc celui-ci est marfou'. C'est quoi le dalil qu'il est marfou'? De quoi? Akhi? Marfou'. C'est sous-entendu, mais je veux la phrase. Je veux la phrase. En français, hatta. On a enlevé le waouh. Alamat, marfou'. Arfahi. Mana'a. Déjà, alamat, il faut que tu ramènes. Ramène-le en français. Après, je vais vous écrire en arabe si tu veux. La preuve du marfou'. Hein? La preuve du marfou', c'est le. Le preuve que Akhi, il est marfou'. Non, mais sur Akhi, on est d'accord que c'est un waouh. Elle an, l'alamat ou raf, c'est la damma. Celle-là. La damma qui est ici. Elle a été sous-entendue, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cohérence avec quoi? Le ya et le waw. Et la damma. Tu ne peux pas avoir une cohérence entre les deux. Donc tu peux mettre qu'une kasra. Donc tu dis, le signe qui est marfou, c'est la damma. Qui est sous-entendue, tamam, par la kasra. Non, non, je vous ai dit, c'est quoi? Non, il m'a dit le waw. Il n'y a pas de l'envers. Dans la vie. Dans la vie. Non, dans... Non, moi, je t'ai dit, c'est le i en dessous. Je t'ai demandé là. Tu veux qu'on soit là. Je vous ai dit, c'est quoi le signe qui montre qu'il est marfou'? Tu m'as dit, c'est la kasra. C'est pas ça. Ça, c'est ce qui remplace. Je t'ai pas demandé, c'est quoi qui remplace? Attention. Ya Abdallah. J'ai pas joué sur le mot. T'as mal compris. Il n'y a pas de waouh. J'ai pas dit de waouh. J'ai pas dit de waouh. Beni wa beni kihada. J'ai pas dit waouh. T'as même... Donc, là, Akhi, tu diras quoi? Khabar. marfou', qui est marfou'. Wa alamatu ra'fihi, le signe qui montre qu'il est marfou', tamam, c'est la damma, tamam, la damma qui est sous-entendue, tamam, qui a été remplacée par la kasra. Pourquoi? Parce que le ya, il peut que prendre comme consonne plutôt le voilé qui est avant, yani la kasra. Donc le signe qui est marfou', c'est le dam, la damma qui est sous-entendue. Mana'a min dhuhuriha كما يكون اشتغال المكان بحركات مناسبة. فهمتم؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. مع تحيتي دماج افاخ. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون الى الظلمة من شيعة او حزبيين، لا تركن اليهم، هؤلاء ثعابين.